Cathy, Cathy. Je revois souvent ce petit coin discret dans ce vieux restaurant et près de la mer. Les rumeurs du port dispensées tra la nuit. Et plus de charme encore. Je t'aime, Cathy. Je t'aime déjà. Mais tous les mots d'amour restaient au fond de moi. Ta délicatesse, Cathy. Pour un premier soir, si parce que je pensais qu'on pourrait se revoir. Maintenant, Cathy, que je suis parti vers d'autres horizons. Si loin de ton pays, je pourrais te le dire, Cathy. Même le gai soleil de bon midi n'a pas chassé ton nom si doux du fond de mon esprit.